Écoute, écoute. As-tu compris, frère Dominique? À moi, il n'y a pas eu besoin de coupe-quenne et tout mouillé pour me l'expliquer. C'est le tilleul, devant la maison de mon père, comme un grand prédicateur au surplis blanc dans le clair de lune, qui m'a tout expliqué. Explique. Et moi, j'écoute. Quand il fait bien froid en hiver, et que le froid et la gelée resserrent tout, et on dirait que tout est mort, et les gens sont morts de froid, et il y a de la neige et la glace sur tout, comme un drap, comme une cuirasse. Et on croit que tout est mort et que tout est fini. Mais il y a l'espérance qui est la plus forte. On croit que tout est fini, mais alors, il y a un rouge-gorge qui se met à chanter. Petit vent, venu d'on ne sait d'où, qui se met à souffler. Il y a une certaine petite pluie chaude qui se met à tomber sur vous. Et alors, le temps de fermer les yeux et de compter jusqu'à trois, et tout est changé. Le temps de compter jusqu'à quatre, et tout est changé. Tout est blanc, tout est rose, tout est vert. Celui qui voudrait empêcher les mirabelliers de fleurir, il faudrait qu'il soit bien malin. Celui qui voudrait empêcher les cerisiers de cerisés, tellement que tout est plein de belles cerises. Mon père dit qu'il faudrait qu'il se lève matin de bonne heure. Et c'est alors que Catherine et Marguerite se mettent à parler. Et quand Jeanne, au mois de mai, monte sur son cheval de bataille. Il faudrait qu'il soit bien malin, celui qui empêcherait toute la France de partir. Mais entends-tu ces chaînes de tous les côtés qui éclatent et qui cassent? Ah, ces chaînes que j'ai aux mains, elles me font rire. Je ne les aurais mis toujours. On a vu ce que Jeanne peut faire avec une épée. La comprends-tu maintenant, cette épée? Que Saint-Michel m'a donné cette épée, cette claire épée. Elle ne s'appelle pas la haine, elle s'appelle l'amour. pourrais brûler Jeanne d'Arc, mais je suis plus forte que toi, et tu ne m'auras mis toujours. Il y a l'espérance qui est la plus forte.